Merci. On va passer la parole sans transition immédiatement à Sabine Lavorel. Mais c'était intéressant votre exposé sur l'effet boule de neige des décisions. C'est ça qui est passionnant. Et sans référence au droit international, spontané, on part d'en bas et boule de neige. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, plutôt que de vous présenter une contribution commune, en fait, nous avons décidé avec Christelle de vous présenter deux approches du même sujet. Donc, Christelle, c'est plutôt centré sur les revendications des requérants. Moi, je m'attacherai plutôt aux décisions qui ont été prises par les juges. Prise ou non prise d'ailleurs, puisque en la matière, tant les échecs que les succès sont révélateurs en fait, des avancées de la justice. Comme Christelle vient de vous le dire, la question de la prise en compte des victimes et de la réparation. La question de la prise en compte des victimes et de la réparation des dommages résultant des changements climatiques a commencé à pénétrer le débat à partir du milieu des années 2000, c'est-à-dire à partir du moment où ont été déposés des recours, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont précisément ces recours-là qui ont suscité une évolution rhétorique au niveau des négociations climatiques et qui ont progressivement imprégné ces négociations. Jusqu'à finalement aboutir à l'inclusion de la clause perte et dommage dans l'accord de Paris. Alors, on peut effectivement y voir un lien de cause à effet, je ne suis pas sûre que ce soit aussi direct que ça, mais ce serait intéressant de voir effectivement dans quelle mesure ces rhétoriques ont changé du fait des conventions. Dans ce contexte, plusieurs voies doctrinales, institutionnelles, politiques, militantes, associatives, s'élève désormais pour que soit reconnue effectivement une responsabilité climatique des États, qui se déclinerait à la fois en une responsabilité nationale sur laquelle Christelle s'est vraiment centrée, mais également une responsabilité internationale qui pourrait être mise en jeu au niveau international, des juridictions internationales, et qui aurait deux types de responsabilités qui pourraient donc avoir différents fondements. Alors, pour l'heure, ces propositions n'ont pas de fondement textuel spécifique au sens où aucun traité international ni, à ma connaissance, aucune législation interne, je viens de rappeler, aucune législation nationale n'établit de régime spécifique de responsabilité d'un État du fait de sa participation à la réalisation des dommages causés par les changements climatiques. Donc pas de fondement textuel, mais c'est précisément ce qui est intéressant, puisque c'est en l'absence de fondement textuel spécifique que des requérants se sont présentés devant les juges. Alors des requérants qui peuvent à la fois être des États, qui peuvent être des individus, qui peuvent être des associations, mais qui peuvent être également des communautés, je pense notamment aux peuples autochtones, qui ont déposé effectivement des recours. On a finalement des victimes différentes qui commencent à agir Alors, ces différentes victimes des changements climatiques ont eu plusieurs stratégies contentieuses. Alors, la première, elles sont résumées ici, donc cinq principales. La première stratégie, c'est d'engager, ou plutôt de menacer d'engager, parce que ça n'est jamais allé jusqu'à son terme, donc de menacer d'engager la responsabilité internationale des États émetteurs de gaz à effet de serre devant les juridictions internationales. Alors, juridictions... On peut également y inclure les arbitres, et parmi les juridictions, ça peut être la Cour internationale de justice. Certains ont envisagé également de saisir le Tribunal international du droit de la mer. Donc, c'est vraiment le sens de juridiction au sens large du terme. Donc, première stratégie, ou plutôt menace d'engagement de la responsabilité. Deuxième stratégie, qui cette fois-ci a donné lieu à de véritables recours, c'est d'engager la responsabilité internationale des... Pardon. Je reviendrai sur cette deuxième stratégie. Donc ça a été d'engager la responsabilité internationale des États insuffisamment protecteurs de leur population, mais cette fois-ci devant les juridictions régionales de protection des droits de l'homme, et plus spécifiquement, celle qui est la quasi-juridiction qui a été sollicitée, c'est la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Donc voilà pour cette deuxième stratégie. Troisième stratégie contentieuse, c'est l'engagement de la responsabilité des États devant les juridictions proprement nationales, stratégie dont on vient de parler. Quatrième stratégie, c'est le recours en annulation des décisions administratives contraires aux engagements internationaux ou aux législations nationales. Alors là, ça relève plus de ce qu'on connaît en France dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, ou ce que les pays anglo-saxons connaissent dans le cadre du regulation claim. Et puis dernière stratégie, cinquième stratégie possible, c'est cette fois-ci l'engagement non plus de la responsabilité de l'État, mais cette fois-ci de la responsabilité civile ou pénale des entreprises, entreprises émettrices donc de gaz à effet de serre en violation du droit national ou international. Donc quoi qu'il en soit et quelle que soit la stratégie engagée ou envisagée, on observe vraiment une tendance à la judiciarisation de la protection du climat, tendance qui devrait effectivement gagner du terrain lorsque l'on voit les décrets, et notamment le dernier décret en date adopté il y a 3 jours par Donald Trump qui entend réhabiliter les industries du charbon. Alors, ma contribution s'intéressera plus spécifiquement aux 3 premières stratégies. Là encore, qu'elles aient été couronnées de succès ou qu'elles aient été des échecs. L'idée étant, en fait, d'observer cette construction, qui reste encore une construction hésitante, mais progressive, d'une responsabilité climatique des États par les juges. Alors, cette responsabilité est un peu tâtonnante, et surtout, elle est très récente, pour pouvoir d'ores et déjà en faire un bilan. Donc l'idée de cette contribution, c'est aussi d'essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ces arrêts, ces décisions qui ont été prises, pour analyser la portée effective de cette nouvelle responsabilité climatique qui en est assez balbutiement, donc, et pour suggérer éventuellement des pistes pour l'établissement à l'avenir d'un régime de responsabilité climatique des États qui serait éventuellement commun à l'ensemble des États. Alors, pour vous expliquer un peu la méthode qui a été la mienne, je suis partie des décisions rendues, donc pas du tout des arguments déposés ou des recours déposés, mais uniquement de ceux qui ont abouti effectivement à une décision de justice, que cette décision ait été là encore un échec ou couronnée de succès, pour déterminer quel type de responsabilité climatique existe aujourd'hui, pour pointer également les innovations prétoriennes, mais également les obstacles auxquels les juges se sont heurtés, et finalement envisager une réflexion un peu plus globale. Voilà mon plan. Il arrive. Donc finalement, envisager une réflexion un peu plus globale sur à la fois sur ce mécanisme de responsabilité climatique, mais également sur ce concept de responsabilité climatique qui est émergent. Alors cette méthode m'a conduite à 3 séries d'observations qui vont structurer mon intervention. Donc la première, ne nous faisons pas d'illusions, la responsabilité climatique internationale des États est inexistante. Alors j'ai mis pour l'heure pour être optimiste, mais je ne suis pas sûre que ça évolue, en tout cas pas dans un futur proche. Deuxième constat, la responsabilité climatique nationale des États, elle, est en voie de construction. Je n'irai pas beaucoup plus loin, enfin je l'aborderai, mais en n'allant pas beaucoup plus loin, puisque Christelle en a beaucoup parlé. Et troisième observation, là voilà, ces échecs comme ces succès, et surtout la similarité des difficultés auxquelles les requérants se sont heurtés, conduisent à s'interroger sur la possibilité d'établir à terme un véritable régime de responsabilité climatique des États. Alors, s'agissant de la responsabilité climatique internationale des États, responsabilité pour l'heure inexistante, il y aurait donc la possibilité de saisir la Cour internationale de justice, parlons d'elle, ou un arbitre international éventuellement, pour engager la responsabilité internationale d'un État émetteur de gaz à effet de serre qui n'aurait pas respecté ses engagements de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Alors pour l'heure, la Cour internationale de justice n'a jamais été saisie d'un tel recours, sachant néanmoins qu'en 2002, l'État du Tuvalu, les 2 États dont je vais parler sont dans le Pacifique Sud, avait menacé de poursuivre l'Australie et les États-Unis devant la CIJ sur ce fondement. Mais la menace avait été abandonnée suite au changement de gouvernement au Tuvalu. Et plus récemment, donc en 2012, les îles Palaos ont annoncé vouloir saisir l'Assemblée générale des Nations Unies pour que celle-ci vote une demande d'avis consultatif qui aurait été déposée à la CIJ sur la question de savoir si les États ont une responsabilité juridique de garantir qu'aucune activité émettant des gaz à effet de serre conduite sur leur territoire ne crée des dommages à d'autres États. Alors pour l'heure, cette demande n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour. Alors néanmoins, l'opportunité de saisir la CIJ interroge quand même au regard des nombreux obstacles qui se dresseraient sur la route d'un éventuel requérant. Le premier obstacle, et je pourrais même m'arrêter là tellement cet obstacle est dirimant, c'est évidemment le consentement des États défendeurs à la compétence de la Cour. On imagine évidemment mal les États-Unis accepter la compétence de la CIJ dans un contentieux qui engagerait leur responsabilité sur ce terrain. Néanmoins, soyons là encore un peu optimistes, imaginons que ce premier obstacle soit franchi. Les obstacles se multiplient quand même par la suite. Le deuxième étant le problème du fondement de l'engagement de la responsabilité d'un État pollueur. Alors, ce deuxième obstacle, lui, peut être surmonté de la manière suivante. Alors, en droit international, la responsabilité d'un État ne peut être engagée qu'à raison d'un acte illicite commis par l'État, illicite au regard du droit international. Et le problème ici, c'est que s'agissant des États émetteurs de gaz à effet de serre, leurs obligations résident dans le régime de lutte contre les changements climatiques. Et si je reprends l'exemple des États-Unis, les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, donc ne seraient pas liés finalement par cette obligation s'ils étaient attraits devant la CIJ. Néanmoins, on pourrait contourner cette absence de fondement par la possibilité d'engager la responsabilité internationale d'un État lorsqu'il ne respecte pas son devoir de vigilance. Donc là, ça pourrait être un fondement alternatif possible pour l'engagement de la responsabilité internationale d'un État pollueur. Troisième problème néanmoins, ils vont se succéder malheureusement. Troisième problème néanmoins, c'est le problème de l'engagement de la responsabilité d'un État pour des actes qui, au moment où ils ont été commis, n'étaient pas illicites. Et effectivement, s'agissant des États industrialisés, ils ont pu émettre des gaz à effet de serre avant même l'adoption, alors, non seulement de la Convention cadre, mais surtout du protocole de Kyoto. Donc peut-on engager finalement leur responsabilité pour des actes antérieurs à la naissance de l'obligation ? Alors là encore, ce serait un obstacle potentiellement surmontable, puisque faute de pouvoir établir une responsabilité rétroactive, la solution pourrait être ici d'envisager les violations au régime de lutte contre les changements climatiques comme des obligations ayant un caractère continu. C'est-à-dire que les États émetteurs commettent un acte illicite tant qu'ils ne diminuent pas leurs émissions en deçà de la limite impartie. Quatrième obstacle, néanmoins, quatrième problème pour d'éventuels requérants, ce serait le problème de l'engagement de la responsabilité d'un État pour des dommages à venir ou dont les effets sont encore à venir. Alors là encore, ce serait aussi surmontable, mais si la CIJ, au préalable, se prononçait sur l'existence d'un droit à obtenir réparation de dommages futurs, ou se prononcer sur l'existence d'un principe d'équité intergénérationnelle. Pour l'instant, on est dans l'expectative. Autre problème, je ne l'écoute même plus, ce serait la question de l'engagement de la responsabilité de l'État pour des faits commis principalement par des entreprises. Alors là encore, ce serait un problème surmontable dans la mesure où effectivement les activités des entreprises pourraient être juridiquement imputables à l'État, dans la mesure où ces activités bénéficient d'une autorisation officielle de l'État, dans la mesure également où l'État est soumis à une obligation de due diligence des activités se déroulant sur son sol, et est également soumis à l'obligation de réguler les émissions ayant pour origine son territoire. Et puis, dernière difficulté, ce serait l'établissement avec certitude du lien de causalité. Alors cette difficulté se retrouve dans absolument tous les contentieux climatiques, notamment parce que les émissions de gaz à effet de serre proviennent de nombreuses sources, de nombreux États, de nombreuses entreprises. Donc cet établissement du lien de causalité est évidemment le problème le plus épineux pour le juge actuellement. qui est responsable et à quel degré. Pour répondre à cette question, la doctrine a fait de nombreuses propositions, notamment établir la part de responsabilité de chaque État en fonction des taux d'émissions de gaz à effet de serre observés dans le passé, ou, autre proposition, établir une responsabilité objective, c'est-à-dire une responsabilité fondée sur le dommage et non pas une responsabilité fondée sur le comportement illicite de l'État, mais ce qui remettrait en partie la logique même du droit de la responsabilité internationale. Donc en l'État, malheureusement, là je vais être très pessimiste, le droit de la responsabilité internationale des États est sous-exploité par les victimes comme par le juge, en raison des très nombreux obstacles qui s'opposent à sa mise en œuvre. Alors, toujours au niveau international, la deuxième possibilité serait pour des requérants d'engager, là encore, la responsabilité des États, mais pour violation des droits fondamentaux protégés par les conventions régionales de protection des droits de l'homme. Alors, je ne reviens pas sur le lien qui est désormais fait entre la violation des droits de l'homme et les effets des changements climatiques, sachant que, effectivement, deux pétitions viseraient à engager la responsabilité des États sur ce fondement. Donc c'est la pétition Inuit, la première dont tu as parlé tout à l'heure, et puis la deuxième aussi que tu as évoquée, donc la pétition d'un peuple de l'Arctique, le peuple athabascan, contre le Canada. Deux pétitions qui ont été déposées, la première en 2005, la deuxième en 2013, devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Néanmoins, alors, la première a été écartée par la Cour, la deuxième est encore en cours d'examen. Néanmoins, ces deux pétitions, là encore, soulèvent un certain nombre de problèmes, et alors, un certain nombre de problèmes dont j'ai déjà parlé, donc je les évoque là juste, mais je n'y reviens pas. Donc, le premier problème, établir l'existence, la nature et l'étendue du préjudice. Deuxième problème, le fameux lien de causalité. Troisième problème, l'identification de l'auteur ou des auteurs de ces violations, toujours sur le principe que plusieurs États, plusieurs entreprises sont émetteurs de gaz à effet de serre. Quatrième problème, alors là qui est plus spécifique au contentieux relatif aux droits de l'homme, c'est de lier le préjudice subi à la violation d'un droit proclamé par ces conventions, sachant qu'on pourrait se baser ici pour trouver le fondement finalement de ces recours sur le contentieux environnemental. Puisqu'on pourrait effectivement envisager, et c'est d'ailleurs le cas dans les deux pétitions, que les requérants se fondent sur des violations du droit à la vie ou à la propriété, mais également du droit à la santé ou du droit de propriété, je l'ai mentionné. Voilà, donc voilà le quatrième problème. Cinquième problème, il faudrait également surmonter l'application territoriale des droits de l'homme, c'est-à-dire pouvoir engager la responsabilité d'un État pour des dommages causés à des ressortissants d'un autre État. Donc là, pour résoudre cette difficulté, certains auteurs suggèrent une application diagonale, et non plus une application verticale, des droits de l'homme, qui permettrait de tenir un État émetteur responsable des dommages causés aux ressortissants d'un autre État souffrant des changements climatiques. Et puis, dernier point qui pourrait poser problème, ce serait finalement de convaincre le juge d'écarter les autres intérêts en cause, et notamment les intérêts des entreprises qui pourraient saisir le même juge, sur le fondement du droit de propriété, en argumentant qu'en imposant trop lourdement les entreprises émettrices, les États violent leur droit de propriété. Bien, donc, pour conclure sur cette partie relative à la responsabilité internationale, je serai relativement pessimiste au regard des nombreux obstacles qui s'opposent à la réussite de ces contentieux. Sur le plan national, maintenant, alors beaucoup plus d'espoir, comme Christelle a pu le montrer, effectivement, la responsabilité climatique nationale des États existe d'ores et déjà, est balbutiante, mais elle existe. Alors je me suis basée là-dessus pour cette partie sur des contentieux qui ont des décisions qui ont été adoptées aux États-Unis, aux Pays-Bas. On a cité effectivement la fameuse décision Urgenda, au Pakistan, en Inde, en Ukraine, et également alors la toute dernière décision en matière au début de ce mois-ci, une décision en Afrique du Sud. qui porte également sur, sur ce domaine. Alors, je ne vais pas du tout revenir sur ce qui a été très bien dit avant moi. Je vais juste faire trois observations sur, sur ces différents contentieux en essayant de généraliser, enfin de les prendre tous en considération. La première observation qui résulte de l'analyse comparée de ces arrêts, c'est que, au-delà des différences inhérentes aux spécificités processuelles propres à chaque État, la responsabilité climatique peut... c'était pas celle-là, excusez-moi. Voilà. Le succès de ces recours est révélateur de la volonté émergente des juges nationaux d'écarter les nombreux obstacles dont je viens de vous parler, qui peuvent s'opposer à la recevabilité de tels recours et à leur réussite sur le fond. Alors, ces obstacles sont notamment donc, la détermination de l'intérêt à agir du requérant, la dilution de la causalité, on y revient, la pluralité des responsables, et puis pour le contentieux américain, mais je ne vais pas développer ici, c'est l'application de la doctrine de la question politique qui permet au juge finalement de se déclarer incompétent parce que la question relèverait du législateur et pas de lui. Donc c'est la première observation. Deuxième observation, positive là également, c'est qu'effectivement les motifs qui président aux décisions des juges sont de plus en plus diversifiés. Les juges se basent sur des sources qui relèvent de différents systèmes juridiques, sur des normes qui ne sont pas nécessairement que des normes contraignantes, qui relèvent parfois de la soft law. Là encore, Christelle l'a très très bien dit avant moi. Et puis, dernier point, dernière remarque sur ces différents contentieux, c'est la diversité des demandes auxquelles le juge va accéder, sachant que ces contentieux relatifs à la responsabilité climatique vont pouvoir fonder des demandes très diverses. Cesser l'atteinte à l'illicite, adopter une réglementation adéquate, modifier une réglementation insuffisamment efficace, sachant que, et c'est quand même intéressant de le noter, lorsque les requérants présentent ces recours, ils renoncent finalement à la réparation pécuniaire. On n'est pas dans un contentieux, alors on est dans un contentieux de la responsabilité, mais assez paradoxalement, on n'est pas dans un contentieux de la réparation, au sens de la réparation monétaire. Ce serait plutôt une réparation, l'idée de mettre un terme à l'illicite, ou l'idée d'avancer dans la réglementation efficace en la matière. Alors, ceci étant constaté, il faut quand même s'interroger sur la nature et l'étendue de la responsabilité que l'on souhaiterait, à l'avenir, faire peser sur les personnes, alors les personnes publiques, c'était l'objet de cette contribution, mais également les personnes éventuellement privées, les entreprises, ces personnes étant comptables de ces dommages. Donc en d'autres termes, quelle justice climatique souhaite-t-on pour l'avenir? Justice, pas au sens éthique du terme, mais au sens ici contentieux, évidemment. Alors, pour essayer d'établir une sorte de portrait du futur régime de responsabilité climatique, je pense que plusieurs questions doivent être posées, plusieurs réflexions doivent être entreprises. La première concerne les victimes elles-mêmes, et notamment leur intérêt à agir. Alors, si les individus ou les États, finalement, ont accès au prétoire, en tout cas, cet accès ne suscite plus guère d'incertitude, selon les juges concernés. En revanche, reste une incertitude sur les groupes. Est-ce que les groupes, effectivement, peuvent requérir et notamment les groupes les plus vulnérables. Donc là encore, je pense aux peuples autochtones, mais les femmes et les enfants, les personnes âgées, c'est-à-dire les populations pauvres ayant une résilience moindre aux effets des changements climatiques. Donc, l'intérêt serait peut-être ici de réfléchir à la notion de vulnérabilité. Peut-être que si on avait une réflexion sur le critère de vulnérabilité, ce critère-là, s'il était appliqué à certains groupes, pourrait ouvrir un droit au recours sui generis afin d'obtenir réparation pour ces groupes des préjudices subis du fait des changements climatiques. La question de l'intérêt à agir se pose également pour... lorsque les changements climatiques affectent les biens communs, entraînant une dégradation générale de l'environnement ou encore une perte de biodiversité. Donc dans ces cas-là, est-ce que l'humanité pourrait être considérée comme victime, mais mécaniquement, ça induirait une sorte d'axio popularis qui serait néfaste pour l'efficacité de la justice. Mais je pense que c'est une réflexion à avoir. Et enfin, autre question qui se pose sur la notion de victime, est-ce que les victimes potentielles ou futures peuvent être prises en compte, pourraient engager des recours dans la mesure où les effets des changements climatiques sont encore à venir. Deuxième réflexion à engager, c'est une réflexion sur la répartition de la charge de la réparation. Autrement dit, il faut identifier les responsables de ces dommages, mais il faut également répartir la charge du dommage entre eux, et on en revient ici aux solutions envisagées pour départir les états émetteurs entre eux, sachant qu'effectivement la charge de la réparation ne pèse différemment selon que l'on se place dans le cadre du protocole de Kyoto et, ou selon que l'on va se placer dans le cadre de l'accord de Paris. Et puis, autre réflexion à mener toujours dans la répartition de la charge de la réparation, c'est également répartir la charge entre les États et les entreprises émettrices, qui là me fait sortir de ma contribution. Troisième réflexion, il y en a quatre. J'ai fini. Troisième réflexion, c'est sur la nature de la responsabilité mise en jeu. Engage-t-on la responsabilité civile, la responsabilité administrative, ou peut-on envisager d'engager la responsabilité pénale, à la fois des personnes publiques ou des personnes privées, mais ce qui reviendrait à s'interroger sur l'opportunité de pénaliser les activités émettrices ou excessivement émettrices, donc autrement dit de créer une nouvelle catégorie de crimes climatiques qui pourrait également inclure le défaut d'assistance des États aux populations victimes de catastrophes climatiques. Et puis, dernière réflexion à engager, je pense, sur ce thème, c'est la question relative aux réparations. Alors, je reviens sur une remarque que j'ai faite précédemment, à savoir que les victimes, finalement, dans ces contentieux, ne réclament pas de réparation pécuniaire, mais vont réclamer une amélioration de la réglementation ou la cessation d'un fait illicite de l'État. Je pense qu'il faudrait avoir effectivement une réflexion sur la nature de cette réparation. Est-ce que les contentieux climatiques impliquent une réparation spécifique qui ne serait pas nécessairement une réparation pécuniaire, mais qui insisterait évidemment sur le fait de revenir à l'état antérieur, si cela est possible. Je vous remercie. Bien, je remercie.